Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin à l'antenne. Heureux de vous retrouver ce soir sur les ondes sonores de CKRL, la radio qui aime, qui adore le son. Je vous propose ce soir l'intégrale d'une œuvre intitulée « Volatile ». C'est une création musicale et sonore interprétée et enregistrée au cours d'un concert donné en 2008 par le quatuor franco-norvégien « Dans les arbres ». Très beau titre de quatuor. Alors, c'est un quatuor formé du clarinettiste français Xavier Charles et de ses collègues complices norvégiens, le guitariste Ivar Grideland, le pianiste Christian Valumrud et le percussionniste Ingar Zack. Comme le souligne le critique Régent Bocage dans un bel article paru dans le magazine Voir, on est en 2019, Volatile est le premier enregistrement en concert du groupe, témoin restitué, dit-il, et sans retouche d'une prestation improvisée. En matière de jeu et de style, on est dans le détournement, les techniques étendues et la recherche de textures, le tout se développant en un long mouvement de 53 minutes qui enveloppe l'auditeur comme un déferlement d'images poétiques. C'est une musique tout en retenue dans laquelle chaque silence compte. Et c'est Bocage qui raconte ça. Alors, au programme ce soir, je vous propose l'écoute intégrale de cette création, Volatile, du quatuor franco-norvégien Dans les arbres. Et on y va pour les trois premiers segments, premiers mouvements intitulés dans l'ordre Brindille, Ramure et Surgeon. Thank you. Thank you. Thank you. Alors voilà ce qui complète les trois premiers segments de l'œuvre intitulée Volatile, interprétée par le quatuor franco-norvégien Dans les arbres. Ça complète également la première demi de l'émission. Alors restez des nôtres, on poursuit cette écoute de cette œuvre intitulée Volatile, dernier segment en seconde partie d'émission. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h. Je vous présente ce soir l'intégrale d'une création du quatuor franco-norvégien Dans les arbres, une création intitulée Volatile. C'est une performance live réalisée en 2018 au Teatro San Leonardo. Ça se passait à Bologne, on est en Italie. C'est une œuvre qui estompe magnifiquement la frontière qui sépare habituellement la musique du monde sonore au sens large. Alors, comme la deuxième, le dernier segment est d'une durée de 33 minutes, alors ce sera sans tarder, on poursuit l'écoute de ce dernier segment de l'œuvre Volatile, œuvre live improvisée du quatuor Dans les arbres. Alors, ce dernier segment, il est intitulé « Flèche ». Thank you. Alors voilà ce qui complète l'écoute de cette création du quatuor dans les arbres, quatuor franco-norvégien dont on vient d'entendre le dernier segment de ce projet intitulé « Volatile ». Donc, grand merci au quatuor dans les arbres de nous avoir permis l'écoute de cette œuvre et notamment coup de chapeau au guitariste Ivar Grineland. On retrouve cette œuvre sur le label ECM ainsi que sur les plateformes d'écoute dont Bandcamp. Vous retrouverez également les références sur le site La Croche Oreille. Et bien sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.